7 micros ouverts. Bon, on ne sait pas si le 3 va fonctionner aujourd'hui. Si, ça y est. C'est Pion Galaxy Rockers numéro 390. Et encore 10, on est à la 410. Donc. Et t'as vu wow. Bon, ça sera pour la rentrée. Si on est encore vivant. Ce soir, parmi les grands leaders, nous avons le plaisir d'accueillir Jamo. Bonjour. Aïe. C'est bien. Ouais. Un petit hurlement tout à l'heure, mais pas tout de suite. Hein. Non. Et Thibaut, tu es revenu. Bonjour. C'est la contraction. Donc, ça va? T'as même ramené de la zik. La mauvaise nouvelle, c'est que comme on a tous ramené de la zik, y compris notre invité, ça va être compliqué de tout passer. Là, à vous se battre. Il y en a pour à peu près une heure et demie. Or, cette émission ne dure qu'une heure. Donc, va falloir choisir un moment, tu vois. Et notre invité n'est autre que Pierrock Roquepied. Enfin, je ne sais pas comment on peut l'appeler. Les deux, ça va, salut. Bonjour monsieur, comment allez-vous? Oui, très bien, et vous? Bon, au départ je t'avais invité parce que j'ai envie de te faire parler de ton zine qui s'appelle... Réveil forcé. Réveil forcé, dont j'ai ici le dernier exemplaire disponible du numéro 1 que je m'attribue. Tu me diras que je te dois quand même. Bon, c'est gratos, t'inquiète. Merci, en plus c'est vachement bien. Mais finalement, tu as décidé de venir avec plein de musique et puis avec plein de copains. Donc, je sais pas comment ça va partir cette émission. De toute façon, on s'en fout. C'est Pion Galaxy Rockers. C'est toujours un peu le bordel. Et finalement, on arrive à la fin de l'heure et on se dit putain, on n'a pas eu assez de temps. Et après, les gens ils doivent revenir. Et c'est tout. Pour l'instant, comme la semaine dernière, nous vous avions fait une petite interview de la nouvelle orgue GZL Vénère. Je vous passe un titre d'un des groupes qu'elles font passer ce soir dans leur premier concert organisé. C'est au CCL. Ça commence là maintenant. Voici donc Dendrophilia, un groupe italien qui fait du bruit. Les voici. Putain, ça va jamais s'arrêter ce bras. Les voici avec Vedersi Guardarsi. Et vous, si vous voulez aller au CCL, c'est maintenant, parce que ça commence là à 20h. Il y a quatre groupes, plus après ça, karaoké, autotune et tout ça. Et donc voici Dendrophilia. je le laisse en fond sonore là pour dire que donc ce concert de ce soir à partir de 20h maintenant, donc au Centre culturel libertaire à Lille, Bell Jars, Shoegaze, Cuntroach, du Queer Grindcore, Dendrophilia que vous écoutez ici en fond sonore, et puis sinon il y a Cerber aussi, les deux derniers, c'est du sludge, et puis à la fin il y aura un karaoké autotune avec Sténodactylo. Que je n'ai pas l'honneur de connaître. Mais voilà. Et donc c'est au CCL, précipitez-vous y vous, puis sinon bah, vous restez à l'écoute de Campus 106,6. Hop, allez, je leur coupe le kiki parce que ça va bien un petit peu. Qu'est-ce que c'est que cette idée de faire un zine en papier? On est en 2025. Je sais pas, je trouvais ça plus cool de zioter mes bibliothèques souvent. Ouais. Plus cool que quoi? Bon, plus cool que ce soit sur un ordinateur et qu'au final, ouais. Ça part vite aux oubliettes. Il y a quand même des trucs que tu fais à l'ordinateur. Là, ouais, je les fais tous sur ordinateur. Ouais. T'es pas mais un vrai, je fais un faux aspect DIY. Ouais, non, c'est bien. On retrouve des trucs un peu qui existent dans les années 80-90. Quoi. Mais ouais, donc, ça te fait longtemps que tu as cette idée-là ou pas? Parce que là, tu as déjà sorti deux numéros, c'est ça? Ouais, c'est deux numéros de Réveil Forcé. Mais Réveil Forcé, c'est punk et graffiti, mais j'ai fait pas mal de zines depuis 2021. Je suis à une petite douzaine depuis. Ah ouais, quand même. Mais c'était des trucs tout graffiti. Ok. Et là, ça fait plaisir de faire des trucs avec du texte et interviewer les potes qui me font kiffer, qui font du punk. Et... Je veux dire, attends, tes zines d'avant, il y avait que de la photo et ouais, c'était que de la photo. Du dessin, un truc comme ça. Un peu de dessin, mais surtout de la photo, ouais. Ok. Avec zéro texte. Non, zéro. C'est bien pour les gens comme moi qui savent lire. Hein. C'est, franchement, moi, j'avoue, c'est bien, vachement bien. Et donc, ouais, t'étais pas punk, en fait, avant? Pas vraiment, non. Bah, j'ai toujours eu un pied dedans, mais j'avoue ouais. Qu'au début, c'était plus hip-hop, graffiti. D'accord. Mais au final, je m'y retrouve plus dans le punk maintenant qu'ailleurs. Ouais, c'est parce que tu traînes trop au CCL, toi. Ouais, peut-être bien. Ah, d'accord. Mes semelles, elles sentent les CCL. Comment dire, je pense qu'ici, tous les gens qui sont autour de la table, on est un peu tous pareils. Hein, c'est vrai que ça sent les semelles CL ici. Là. Les semelles CL. Ouais. D'accord. Et attends, je vais prendre quand même ces zines, là, tout en parlant dans le micro. Voilà. Premier numéro magnifique, c'est du papier glacé. Ouais, mais en fait, j'ai pas pu choisir le papier. Parce que en plus de faire un truc de classe. Non, mais au final, il me plaît pas tant, il me ressemble pas tant, c'est trop propre, trop léché. D'accord. Mais en fait, j'ai pas pu choisir le papier parce que je suis passé par une imprimerie en ligne parce que j'avais des tarots, mais ah ouais, okay. Du coup, c'est pas comme ce que je voulais que ça rende. Il y a un truc bien avec ce numéro 1, c'est que la couve, on comprend bien le nom de l'usine. Ouais, sur le parce premier, pas couve, sur le deuxième. Sur le deuxième. Ouais, c'est un peu plus freestyle. Ouais. Heureusement, il y a une deuxième couverture. En page 3, où là c'est marqué Réveil Forcé, que c'est presque lisible. Et donc c'est bien, quoi, avec les photos et tout ça. C'est cool. Et tu fais toujours du graff ou tu passes uniquement ton temps dans les concerts punk? Non, je fais du graff aussi pas mal, même si j'ai pas mal ralenti la cadence depuis, mais c'est toujours trop bien d'aller en concert, ensuite aller faire des bêtises ou. Ah. Aller faire des bêtises avant et ensuite être plus relax, plus relax au concert. On a le droit de le dire à l'antenne hein. Bah oui, on a le droit. Ouais. Bon, bah, je pense que vous avez compris. c'est pas moi. non, c'est juste un bruit enregistré. Ouais. Et donc, en plus, on va un petit peu farfouiller après, surtout le 2, parce que le 1, je ne l'ai pas encore lu, hein, forcément, surtout que je ne sais pas lire. Mais là, on va tout de suite passer quand même de la zig, vu qu'il est déjà 20h10. On a déjà passé 10 minutes. Voilà, tu vois. Ouais. Voilà. Tu vois quelle enseigne on est. Hein. Bon, tranquille, hein, on n'est pas pressé. Hein. Donc, tu nous as ramené plein de choses. Je t'avais dit, tu ramènes vraiment ce que tu veux, y compris des trucs pas punk. Et je pense avoir été pris au mot. Ouais. C'est intéressant. J'ai pas dit que vous avez passé un truc. Hein. Bon, des petits sons rails un peu débiles. Là, je pense à Olé Olé. Olé Olé. Je le vois. Avec 3 Olé. C'est mon pote Basile qui m'a fait découvrir ça. Hein. Et c'est trop bien. Tu veux passer maintenant? Bah ouais, ça peut être cool. On des tentes, hein. Bah en plus, ouais. S'il fait 5-10, on aura le temps de boire une bière comme ça. Eh ouais, nickel. Peut-être on va pas tout passer quand même. Comme tu veux. T'as quelque chose à dire là-dessus, Cheb Nasser? Non, rien. Rien? J'adore. Et c'est ce que, donc c'est ce que t'écoutes quand tu... Ouais, de temps en temps, mais c'est plutôt... Tu fais aller ta bille dans ton conteneur, là. Ouais, ça, ça me fait bouger, c'est bien. Okay, ça va. Jeb Nasser, olé, olé, olé, première sélection de Rock-Pied. Mais le début, il met un peu de temps. Il met un peu de temps. Zappeler 10 premières secondes. Ah, bah ouais, mais trop tard, là, je l'ai envoyé, on va zapper. On va avoir des beaux bruits de voiture, alors. Ouais, c'est bien, les voitures. Allez, on envoie. أجي نتفاهمو، أجي نتسامحو، أولي أولي أولي، لا تعشري من والا، كونك شونتي، وخذك من الطونجي، أولي أولي أولي، أولي أولي أولي، لا تعشري من والا، كونك شونتي، وخذك من الطونجي، أجيني وحيلي، شوفي Stéphane, hein, t'as dansé là de ouf là. Ah bah ouais, bien sûr. Attends, moi j'attends de passer ça en fin de soirée sans culture libertaire. Mais je comprends pas, c'est pas du punk cette émission. C'est pareil, ouais. Mais, tu sais, il y a vraiment des écarts à la norme, tu sais. C'est vraiment. Je rappelle, c'était Cheb Nasser. Tu nous as ramené que des trucs comme ça ce soir. Non, il y en a trois. Il y en a trois. Il y a deux trucs de rail, un truc français un peu débile, mais sinon c'est du punk. Ah d'accord. Bon, donc le prochain c'est du punk. Si tu veux. D'accord. C'est qui attends, comment il s'appelle ce mec attends, donc là, ouais. Non, dans le 2, c'est JM que j'ai interviewé. Avant, ouais, on peut faire un peu le sommaire de ton numéro 2. Il y en a encore disponible. Il y en a encore des disponibles, ouais. On peut les trouver où Vous pouvez m'envoyer un mail carpe avec 2 E, noctem avec 2 M, à gmail.com. T'as pas plus. Non, j'ai pas plus simple. Ok, de toute façon, on répétera cette annonce, cette adresse. On peut on peut le trouver là. Il n'y a pas des endroits, il n'y a pas des gens qui le distribuent, je sais pas. Si, Lucan, il en a. Il y a Urticaria qui en ont à Nantes aussi. J'ai un copain qui en a à Brest. Et sinon, au CCL, j'en ai souvent dans mon sac. D'accord. Donc, tu as un œil à la boutonnière, on peut te reconnaître. Ouais, ça va, ouais. Des gros cheveux. Des gros cheveux. Ouais. C'est bien ça. Vous êtes plusieurs avec des gros cheveux ce soir. Dont ouais. Thibaut. Donc le sommaire de ce numéro 2 de Réveil Forcé, on va quand même le dire, parce qu'il y a plein de choses dedans. Il fait combien de pages? je sais plus, 52 je crois, 48, un truc dans le genre. Bah, juste 48 pages. Bah ouais, je sais. T'en as plein, ça fait 15 ans qu'ils font ça, puis ils arrivent toujours pas à faire 48. Non, c'est peut-être même 56, je sais pas, mais en fait on s'en fout. Il y a quand même du remplissage hein, quand c'est des photos comme ça. Hein. Ouais, ouais. Hein, ouais. C'est toi qui les as prises les photos? Ouais, ouais, c'est mes graphes en photo, des photos de concerts et des photos de graphes de mes potes. Enfin, tout le bon temps que je passe en dehors du travail. D'accord. Ah, tu travailles, toi? Non, j'ai arrêté. C'est mieux. C'est mieux. Donc, ouais, à part les toffs, il y a quoi? Il y a ouais, une interview, t'as dit, là, d'un JM. Une interview de JM, ouais. C'est je n'ai pas l'honneur de connaître. Un tagueur, graffeur qui habite à Lille maintenant, mais qui est originaire d'à côté de Nantes. Uh-huh. Et qui a vécu une partie de sa vie en Amérique, et du coup, je lui pose pas mal de questions là-dessus. Ouais, à Montréal. Il a vu beaucoup d'Américains. Ouais, beaucoup d'Américains. Ah ouais, ok. À Montréal, et du coup, je lui fais causer là-dessus, parce que c'est cool d'avoir vu que c'est une culture originaire des États-Unis. Ouais. C'est intéressant d'avoir son point de vue là-dessus. Alors, en fait, je le savais, hein, il parle aussi pas mal de différents trucs qu'on rencontre pas tellement en Europe. Comme ouais. La culture des... Des moniqueurs. Ouais, c'est ça. Et c'est pratiqué par les hobos, c'est hobos, ouais, voilà. Ceux qui voyagent par train de marchandises. C'est originaire de la Grande Dépression, quand les gens voyageaient comme ça pour aller trouver du travail. Et du coup, en fait, c'est des gens qui écrivent des petits dessins avec leur signature et la date sur les trains de marchandises pour dire qu'ils sont passés là. Et du coup, c'est quelque chose qui reste vachement dans le temps. Et du coup, des fois, tu peux tomber sur des trucs des années 90 et c'est assez cool. C'est un peu ce qu'on faisait, moi, quand je faisais du stop. On avait toujours un marqueur sur soi, puis on écrivait où on était passé. Ça durait moins longtemps. Bah si, ça dure quand même, si c'est bien paumé, ça tient. Des stations-service, ou alors sur les gros cailloux qu'ils mettent aux sorties de... Enfin, dans les parkings, pour pas que les gens ils mettent des caravanes. Ok. Tac. Non, si ça restait pas 30 ans, hein, t'inquiète pas. Et ouais, et donc cette histoire de hobo là, et de moniqueur, ça existe toujours de nos jours. Il y a toujours des gens. Ouais, mais beaucoup moins maintenant. C'est surtout pratiqué par des ouvriers en fait, des cheminots. Et du coup, vu qu'ils travaillent, ils sont sur leur lieu de travail et pour occuper leur temps, ils font ça. Mais c'est pas du tout un truc utilisé par les graffeurs en fait. Du coup, ça a été repris par des graffeurs, mais ça a beaucoup moins de sens parce que c'est pas originaire de ça. Et... Mais ça a des spécificités. Je te pose des questions alors que je devrais les poser. Ouais, bien sûr, non, mais t'inquiète. Oui, c'est vrai, mais. Mais non, ça a des spécificités que c'est pas du tout relié au monde du graffiti et que c'est vraiment des gens qui écrivent des trucs pour dire qu'ils sont passés, mais il n'y a pas du tout de guerre d'ego qu'il peut y avoir dans le graffiti, un truc qui est assez nul. Ah, ça existe toujours, ça. Ouais, c'est carrément naze. Non, parce que bon, quand même, des fois il m'arrive de voyager en voiture. Je vois que sur les. Enfin, il y a souvent des trucs en béton là, sur les... qui ont été bien recouverts, mais j'ai jamais trop. Enfin, j'avais l'impression que c'était un truc un peu du passé, quoi. C'est des guerres d'ego et puis les gens qui se recouvrent et tout. Bah, avant, c'était plus extrême, mais il y a toujours des cons pour faire respecter leurs lois alors que c'est un truc où ils sont pas censés avoir de loi en fait. Mais... Ah, bah, c'est ça. Après, voilà. Voilà, il n'y a pas de loi. Ben voilà, c'est la loi du plus fort. Hein. Et toi, ça t'arrive des fois d'avoir affaire à des gens comme ça qui, je sais pas, c'est, en fait, ils viennent, ils recouvrent ce que t'as fait. Ouais, ça m'arrive de temps en temps, mais je ne sais pas y prêter attention. Et au pire, je les repasse et je refais mon truc, mais c'est assez pénible. J'aime pas m'engager dans des guéguerres comme ça. Je trouve ça vraiment futile. Je comprends. Quoi. On est tous un peu pareils, je voilà, pense. Et c'est pour ça aussi que je traîne plus au CCL, parce que j'en ai marre de fréquenter leur vieille gueule. Parce qu'au CCL, il n'y a pas de guerre d'ego. Si, peut-être, mais c'est plus cool. C'est plus cool. Ouais. Ouais, puis au moins, on risque pas de se prendre des coups de bombe dans la gueule, quoi. Non, c'est vrai. Ouais. Par contre, des fois, on peut écrire des trucs sur les murs. Et on peut se prendre des coups de pied aussi. Ouais, à skip. T'as une histoire à raconter là-dessus ? Non, du tout. Il y a une interview de Utopie, je le dis, parce que sinon, je vais jamais le dire, ce garçon. Et ouais. Qui a la particularité d'avoir été faite dans des conditions à distance. Ouais. Vas-y, dis-le. On a fait ça par Signal pendant qu'ils étaient en tournée dans l'Europe de l'Est. Ah, c'est beau. Du coup, c'était un peu mission parce que fallait que ce soit mon zine soit fini pour quand ils rentrent de tournée pour que je puisse leur offrir. Parce qu'ils faisaient leur release party à Lille. Ah ouais. Et du coup, c'est le dernier truc qui me restait à faire dans mon fanzine. Et du coup, je leur mettais un peu la pression pour qu'ils répondent dans leur van, mais sauf que ça me mettait un peu mal à l'aise de forcer alors qu'ils ont d'autres choses à foutre. Alors qu'ils étaient fatigués, bourrés, tu sais, ils avaient encore X concerts à faire. Mais au final, ils m'ont dit qu'ils étaient contents, c'était un bon exercice de faire ça dans le van. Ouais. Donc tant mieux. Et puis, ouais, je suis content que ça ait pris cette forme-là, même si les réponses, du coup, sont moins élaborées que si c'était vraiment posé sur papier. Il y en a, on a déjà répondu. Mais au moins, c'est cool parce qu'ils ont pu réfléchir aux questions à quatre et répondre à quatre. Là où, par mail, j'aurais sûrement demandé qu'à une personne et il aurait répondu pour tout le monde. Ouais. Qu'est-ce que t'en penses des interviews par mail ? Bah, moi, je préfère les faire comme ça parce que c'est trop chiant de retranscrire des vocaux, mais... Enfin, une discussion réelle, mais... Ouais, bien sûr. Ouais. Bah, c'est plus simple. Maintenant, il y a des systèmes IA qui... Ouais, mais moi, je suis un fan du copier-coller par mail. C'est génial. Vive la technologie. À propos de technologie, on va peut-être passer encore la musique technologique, là, ou pas, on peut, si tu veux. Allez, garde-la. Maintenant, il est 20h21. Bon, tu reviens du rail, à l'antenne de Radio Campus, c'est Pyongyang Kibokers, numéro 390. Et nous interviewons Pierrock de chez la maison Réveil Forcé. Allez, dis-moi ce que je dois passer maintenant. Bah, je sais pas, tu veux du rail, du punk ? Non, du punk. Tu peux mettre un petit... système. Attends, faut que je le trouve aussi. Putain, parce qu'il y en a pas beaucoup. Hein. Boom. Allez, The System. En 4 minutes, dis donc, tu nous as trouvé que des trucs qui durent. Ah, sinon, mets le crasse, alors non, il va plus vite. Non, The System, trop tard. tu te rappelles du titre ? C'est 12 Hours Living. Non, System. Oh, le titre, non, de System, je sais plus. The Corrupting Ways. Oui, ça doit être ça. Ah, oui, allez, hop. Trust to shatter all your dreams. Bon, ils ont tous disparu, là, ce type de système achevé. Ah non, bah ça y est, le studio se remplit. Non, faut quand même que je monte vos micros, sinon ça va pas aller beaucoup moins bien. Ça va, Thibaut ? Ça va, toi ? Ouais. Donc toi, t'es entre anarcho-punk et rail, on a bien compris. Ouais. Attends, il y a une autre, il y a un autre truc qui m'a attiré l'œil dans ton numéro 2, là. Ouais, c'est l'usine Carambar. Ah ouais, alors ça c'est une usine, bon, je raconte l'histoire de comment on a découvert et comment j'ai passé beaucoup de temps là-bas cet hiver. Tu sais que c'est interdit hein, ce genre de choses. Oui je sais mais bon, c'est pas grave. Et au final, il a fallu que j'imprime le fanzine pour qu'il commence à faire les travaux de démolition. Donc j'ai essayé d'y retourner 2 jours après l'avoir imprimé et puis possible d'y aller. Ah ouais merde. Donc voilà, il a fallu que je partage le spot et pour qu'au final plus personne puisse y aller. Mm-hmm. Mais voilà, c'était cool, j'ai passé beaucoup de temps là-bas. Et pour graffer aussi ou pour faire du... Pour graffer, écouter du son et ouais, de la découverte surtout. Urbex. Ouais, bah c'est trop bien. Je faisais des peintures avec mon pote Thomas qui est là. Et du coup, on peignait l'après, mais le soir, on s'envoyait un gros coucher de soleil depuis le toit. Donc c'était trop cool, quoi. Ouais. C'est con cette usine qu'elle n'existe plus, enfin que voilà, parce que c'était quand même un truc... Bah c'est qu'ils ont délocalisé l'usine à Bondu maintenant, mais celle d'origine, c'était à Marc. Ouais, tout près de la voie du chemin de fer, enfin, ouais, quand on qui va à Dunkerque. Quand on passait, ouais, quand on venait de Dunkerque, et ben on passait à côté, ça sortait le Carambar. Ah et ouais, ça, bah c'est voilà. Un souvenir d'il y a longtemps. Mais du coup, ça sortait encore le Carambar à l'intérieur. Bah, du coup, c'est ce que je dis dedans, non. En fait, c'est un pote qui avait découvert ça pile quand c'était abandonné. Et du coup, il fallait que j'y retourne, mais j'ai mis 2 ans avant d'y aller et j'ai senti de toutes mes narines, mais ça sentait plus le caramel. Oh bon, c'est con ça. Ouais. Puis là, après, t'es retourné et puis c'était en beaucoup plus mauvais état, c'est ça? Ouais, ça tire un peu la tronche quand on montait sur les toits. Le sol, il était mou. T'avais pas envie de marcher sur toutes les plaques, mais. Ah ouais, d'accord. Mais c'était cool. C'est bon, vous êtes pas mort. Hein. Non, ça va. Tomber dans une cuve de caramel, sinon j'aurais pas pu faire cette émission. Je ouais, peux d'accord. pas, j'ai caramel. Je me souviens plus s'il y a d'autres trucs. Ouais, il y a des chroniques zines. Ouais, bon. Bon, je cause un peu de Dunkerque aussi dedans, parce que c'est une ville dans laquelle j'aime bien aller. Ah ouais. Mais sinon aussi, il y a des chroniques de fanzine à la fin. Je connais des gens qui sont pas du même avec toi pour Dunkerque. Ah ouais. Bah c'est ouais. Des nazes. Y compris des gens. Has-been. Y compris des gens originaires de Dunkerque. Ah bon, originaire, non, je peux comprendre. J'en dirai pas plus. Alors que moi je suis de Donna, j'aime bien aller à Donna. Ah bah oui, voilà. Hein. Moi je suis de Marc-en-Barœul, j'aime bien aller à Marc-en-Barœul. Hein. Ah c'est bien. Ouais voilà. Ça sent la levure là. Donc il y a des chroniques zines, je comprends parce que bon, faut quand même que tu flingues un petit peu la concurrence. mais pourquoi il n'y a pas de chroniques de disques ou de musique en général? Bon parce que je sais pas faire et parce que je laisse ça à ceux qui savent faire. Et puis ça me fait plus marrer de causer de fanzines. Je trouve que dans les fanzines, ça parle beaucoup de musique et pas assez de fanzines. Uh-huh. Et vu que moi, c'est ce que je kiffe, les fanzines, et bah, je cause des fanzines. Ah ouais, toi, vraiment, t'es l'église du papier, toi. C'est ouais, j'adore. Ouais, ok, d'accord. Bon. Je sais plus ce que je voulais dire. J'ai pas j'ai l'air malin. Par rapport aux chroniques. Non, c'est que tu dis je piquais les gens, mais justement, c'est pas du tout ça. C'est vraiment pour en dire du bien et pour conseiller des gens sur les fanzines. Je sais, mais bien sûr. Et voilà. C'est pour te forcer un petit peu à parler. Oui, je suis trop sérieux. Micro. Ouais, ça, on est bien d'accord. t'as des choses prévues pour un prochain numéro? Ouais. Le numéro 3, ce sera un spécial New York City. Que je pars dimanche pour 3 semaines, donc je vais voir pas mal de concerts, je vais pouvoir zoner pas mal. Hein? Du coup, je sais pas encore quelle forme ça prendra, si ce sera que du texte perso sur ce que j'ai pensé de la ville et de mes soirées et des gens, ou je sais pas si du coup j'arriverai à interviewer quelques personnes pour avoir un avis vraiment des gens qui vivent cette scène-là. Ça serait étonnant que tu n'y arrives pas. Bah, on verra bien après mon anglais, on verra. Ah, mais c'est bon, tu parles avec un accent français, puis ils trouvent ça sexy, c'est bon. Ouais, peut-être. Google traduction. On verra bien, mais du coup, ça devrait être bon pour septembre, pour le Whippler, on va dire. D'accord. Ah putain, rendez-vous pris, là. Si c'est la même chose que pour Utopie, tu vas être obligé de le faire. Hein. Voilà. Bah, le 1, je m'étais dit pour le Whippler, et le carton est arrivé la veille. Chez moi, bien, donc nickel. Et j'y étais pas. C'est pour ça que je l'ai pas eu encore. Ouais, tiens, on va passer de la zik, là, parce qu'il est déjà 20h31, il nous reste que 29 minutes, même pas. Et il faut encore passer des trucs. Qui c'est qui veut passer quelque chose? Attends, il y a les grands leaders, ils piaffent là. Comment ça? Il y a ce monsieur avec sa casquette, il veut parler d'un concert qui va avoir lieu bientôt. Ouais. En plus, bientôt. C'est Pierrot qui a fait le dessin. Ouais, c'est très bientôt, c'est demain. Mais on fait un concert au Smell Smell L, CCL. Smell L, ça c'est marrant. Smell Smell L. Ouais, tiens, regarde. Tu l'as déjà vu peut-être? Mais je l'ai, bah ouais, je l'ai même mis sur un site web. Qui un va site bien. Web spécialisé? Oh, t'as vu? Je peux la voir? Spécialisé, ouais. Spécialisé. Dis donc, il a de multiples talents. C'est quelqu'un de talentueux. Ouais. Tu veux ça? J'irai pas jusque là. Donc vas-y, explique. C'est un concert spécial. Ouais, carrément. Du coup, on reçoit donc avec Violence Banalisée. Là, j'ai la casquette Violence Banalisée, batterie, tout ça. On reçoit du coup Angry Itch, un groupe de Birmingham qui fait du punk et de la oi. Comme ils savent faire ça bien en Angleterre, on se dit, ah ouais, c'est vrai que c'est un peu là-bas que c'est fait quand même à la base, qu'ils ont ça un peu dans le sang. Et ils sont très cool. Et on a bien sympathisé avec eux. Et à l'occasion d'un concert au BNR. Et voilà, depuis, on essaye de s'organiser des trucs. Potentiellement, on va aller à Birmingham aussi. Et puis là, ils cherchaient des dates, donc ils allaient en Allemagne, donc ils cherchaient... une date de passage, puis on a réussi à trouver aussi une date ensemble au KFC à Liège le lendemain, donc le 30. D'accord. Et les squatteurs ici, je te jure. Et on les accueille demain au CCL à partir de 21h. Et du coup, le projet, il est rejoint aussi par des copains qui font du drag. Donc, je pensais qu'ils n'allaient jamais le dire. IRL et Pépette Boy, avec qui on a un projet potentiellement pour septembre aussi, Violence Banalisée. Et sur un drag show, mais TBC. On en reparlera quand on aura bien avancé, t'as vu. Et voilà, donc on a vraiment hâte d'y être. Voilà. Ouais, et bah pour y être, c'est demain. Ouais, 21h. 21h, 4 rue de Colmar, 29 mai. Bravo. Si on met ça dans l'ordre, c'est cohérent. C'est prix libre aussi. Ouais, c'est prix libre, carrément. Parce que j'ai oublié de le mettre sur l'affiche. Ah ouais, c'est vrai que tu l'as oublié de le mettre sur l'affiche. Ouais, mais maintenant... T'abuses, gros. Bah ouais, putain, ça va pas. Maintenant, des événements qui sont pas pris libres au CCL, ça commence à se faire inexistant. Oui, c'est vrai. Il y en a pas. Pas rare, il y en a pas. C'est interdit. Tout est forcément pris. C'est interdit, je pense que... Ouais, je croyais qu'on pouvait se permettre de faire des choses. Non. Non. Interdit. Forbidden. Bon, on passe quoi, alors? On va passer un petit morceau de Angry Itch, du coup... Les copains anglais là. Et donc le morceau To Drink To Die, ce qui nous attend demain soir à partir d'une certaine heure ou de ce soir ou tous les soirs, voilà, c'est le danger. Parce que toi aussi après tu vas au CCL. On plie à 21h et tu te casses tout de suite. Bah oui, comme tout le monde. Enfin, je sais pas si vous êtes encore en train d'écouter puis on son petit rockers, mais il faut aller au CCL. On a aucun truc pour nous dire s'il y a 10 millions d'auditeurs ou pas, je sais pas. Mais c'est la savane au CCL, il y a plein de gazelles, non? Oh là là! toi, tu vas avoir des problèmes. Ça... Oh non, punaise, merde! Oh non, j'avais pas compris comme ça. J'avais pas compris. Angry Itch. Ça sent l'essence du gasoil. Angry Itch, Too Long to Die. Oh non! We'll be right back. Bon allez, hein, parce que là, il y a Jamie aussi qui voulait passer un truc. Ouais, toi, t'es encore un antisémite, toi. Ça. Ah bah justement, ouais. On va en parler de comme ça. Tout le monde, hein, ici. Bah ouais. Alors ouais, ils sont... Je vais passer NICAP, guilty conscience. Bah ouais. Conscience coupable. Voilà. Ce dont ils ne veulent pas, c'est ce qu'ils disent dans la chanson. Enfin, quand on arrive à comprendre leur accent. Ouais, parce qu'ils sont à... Il y a un procès et tout. Ouais, ouais. Puis t'as des connards... Ils ont montré des drapeaux et tout. Ouais. Attends, voilà. T'as même des connards de journalistes anglais qui disent ouais, ils ont. Il y en a un, il a un passe-montagne de l'IRA. Tu sais. Ouais. Parce qu'en fait, il a un passe-montagne tricoté aux couleurs du drapeau irlandais. Comme si les mecs de l'IRA, ils avaient des drapeaux irlandais sur la gueule. Quoi, tu non, vois. Ils ont des noirs, des cagoules noirs. Ouais, ouais, des gagoules. Ouais. Et des fusils. Bah, ouais, il faut. Ouais. Hein. Spirit of freedom. Non, mais on supporte la Palestine et voilà. Ah ouais, voilà. NICAP. Yes. Par Jabo. Yeah. I meditate and have plenty of wine sand and never for a second fall for constant suits. And when the revolution comes on first out the loot, yeah. New gods, happy days. So much comfort when you don't have to pay. And when I'm happily tripped in the center gear, then all of you concert get and one behind the ear, yeah. NICAP, Guilty Conscience sur Campus 106,6 avec Pyongyang City Rockers numéro 390, le Boys Club ce soir. Autant on était fiers la semaine dernière d'avoir une majorité de nanas autour de la table. Cette semaine, franchement, ah, ça sent la couille. Hein. Et d'ailleurs, même dans les micros, des fois, ça dépasse. Ça va, Pyrock? Donc, ce soir, l'invité principal, bon, ils sont pleins autour de la table. Et ils se moquent de leurs copains. Oui, c'est ça. Rigoler. Pyrock, donc, c'est toi qui préside nos destinées de Réveil Forcé, le zine, dont on a déjà un rendez-vous pour le numéro 3. Eh oui. Pour septembre. Ouais. Tu penses que tu vas survivre à New York pendant la canicule? Je sais pas. Parce que c'est la jungle à New York. Ouais, on verra bien, peut-être que je reviens pas. Hein. Ouais. C'est plus la savane, c'est la jungle. À New York. Ouais, ouais, c'est la jungle. Ouais. Ouais. Voilà. en plus, il fait chaud hein, là-bas l'été. Hein. J'ai regardé, 30 degrés. Ça va. Donc, pour l'instant, t'as pas de point de chute, de personne en vue là-bas. À capter là-bas, si j'ai une personne à capter. Voilà. Bon. Voilà, ça va. On va rappeler parce que là, il y avait 20h42 et putain, il nous reste vraiment plus beaucoup de temps. On va rappeler donc Rêver Forcé numéro 1 est maintenant sold out vu que tu n'arrêtes pas d'en donner des exemplaires gratos. Bah ouais. Voilà. Mais d'ailleurs, le numéro 2 aussi, tu me l'avais filé gratuitement. Ben oui, mais je fais tout gratos. Moi, je déteste le fric. Hein ouais, enfin, tu sais, à un moment, il en faut aussi hein, pour vivre. Oui, je sais. C'est ce que mon père arrête pas de me dire. Oh, ta gueule. Il a pas forcément tort. Numéro 2, donc on peut en retrouver un petit peu partout, dont chez Lucane pour les gens de Lille. Et puis sinon, dans tes poches et dans ton sac, parce que tout à l'heure tu seras au CCL. Donc, non, je vais pas au CCL. Avant de te faire jeter du CCL, tu pourras quand même distribuer quelques exemplaires, non ? Non, ce soir, non, j'aurai rien, j'y serai pas. D'accord, ok, bon bah c'est tout. Donc Rêver Forcé, Zine, Graff et Punk. Ouais. T'as d'autres choses à dire pour ta défense ? Parce que là, il faut quand même. Non. Défense, éléphant, savane. Ah là, tu veux l'avoir. Mazette. Non, franchement, je te pose la question. Vas-y, maintenant, t'as ramené plein de zik. On va pas pouvoir tout passer. Un petit rail, là. Bon, mais encore de la musique, je veux dire. Bon, non, vas-y, mais un Colomba Tristé, allez. Ah, parce que tu voulais quand même passer des groupes lillois. Bah oui, quand c'est même. Bien, hein. Ça parle un bon sentiment. Bah oui. C'est quoi ? De quoi c'est quoi ? Je vois le titre, mais je veux que tu le dises toi-même parce que. C'est Colomba Tristé, allez. Allez, et qu'est-ce qu'ils disent dedans ? Ils disent qu'ils peuvent pas aller sur la Lune parce qu'ils ont pas assez de gasoil, justement. Oh putain, c'est bien là. Oh non, non. Allez, c'est. Sur campus, Pyongyang Sea Rockers, oi. C'était pas. Nous coûtera trop cher. On veut juste une page de rêve. pour se dire tous les deux que le bonheur existe. C'était vraiment très bien amené. Ouais. Colombotristé, d'aller une petite exclusivité dans Pyongyang City Rockers. Le 20 juin prochain, sortie du nouvel EP de Claim the Choice chez Une Vie pour Rien, vinyle en Europe et en version un peu différente chez Longshot Music aux États-Unis. Les premières annonces ont été faites ce dimanche dernier, qui vient de passer, 25 mai. Première diffusion du titre Boot Boy auront lieu le 2 juin. Vous voyez là, on est le 28, vous allez déjà voir un titre de Claim Choice. Et puis il y a un deuxième titre diffusé en single avant la sortie de l'album, ça sera le 13 juin, et ça sera Contre la Montre. Vous n'aurez ni Boot Boy, ni Contre la Montre ce soir, mais plutôt Wolves and Sheeps, les loups et les moutons. Ouais, ou les brebis, je vois. Ou les bateaux, plutôt ça les dépend brebis, comment tu le dis. Voilà. Non, Sheeps. Ou... ouais. Ah, des Sheeps. Ouais, dont on peut enfin, dans lequel on peut trouver en anglais les mots suivants. Pays pourri, infesté de vers. Des ports avides sont aux commandes. Mais attention, la tempête arrive. Voici Claim the Choice avec Wolves and Sheeps. Exclusivité, j'allais dire Droogies, parce qu'au départ, ça vient de Droogies. Radio. L'exclusivité Pyongyang City Rockers, youpi. Get out! Chante, là. Non. C'est ta sélection, mais... là. C'est qui? C'est Patience d'Abani, Le Monde est méchant. Ouais. C'est ce que tu penses, vraiment? Ouais. Enfin, quoi? Nous, on est gentils, ici. Oui, ça va, c'est on cool. On te laisse même dire des trucs affreux. Oui, pour bon. Dire si on est gentil. Oh, non. Bon, on casse un peu, mais gentiment, quoi. Bah oui, c'est les aléas du direct. C'est qui, Konixman? Konixman, c'est mon pote Thomas qui est juste là. C'est... D'accord, okay. Je l'ai interviewé dans le numéro 1. Et dans le numéro 2, il a une petite page, un petit strip par rapport à Réveil Forcé. Ok. Et du coup, Konixman, c'est un super-héros qui tire ses pouvoirs de canette de Konixbeer. Ouais, c'est très malin. Tu parles mais de ce genre de truc comme ça ici, dans le Nord-Pas-de-Calais, ouais. À côté de la Belgique. Ouais. Konixbeer, attention. Ouais, mais la Jupiler, c'est trop cher. mais ça arrive. C'est vrai. Bon, donc on répète parce que là, il reste 5 minutes. Réveil Forcé, trouvable dans toutes les bonnes drogueries, y compris chez Lucan Distro et puis dans ton sac. Mais quand tu reviendras des USA, là. Bon, voilà. La prochaine fois, ce sera le 4 voilà. juillet au CCL. D'accord, ok. Et puis, longue vie. Merci. Aux îles. Longue vie à toi. Enfin, merci. Si les gens ne t'ont pas rattrapé, parce que là, il y en a qui sont à ta recherche. Ah ouais, merde. C'est pour ce que tu dis dans les micros. Attends, j'attends que ça toque à la porte, là. Tu voulais encore nous passer des choses. Tu nous as ramené une playlist, elle dure 2 heures. Oui, bah les sons, ils sont longs, mais il n'y a que 11 sons, ouais. Mais... non, je sais pas, tu voulais finir sur un son, donc vas-y. On va finir sur, du coup, sur un son ouais. dont auquel on a le temps encore de broder un petit peu parce que je sais même pas où je l'ai foutu. Ouais, putain. On a le temps. Ouais, il dure 2h20. Attends, vas-y, on a vraiment le temps. Sinon, le crasse, il est pas long non plus. Allez, un petit crasse. Allez, attends, il est où il est là. Tac. Non, on va pas finir là-dessus. Non, allez. Après. Et puis, pour l'instant, donc, quand même, tu voulais passer des trucs sérieux et anarcho-punk. Ouais. Voilà, comme système crasse. Ouais. To the OS Living. Of course I do. Fuck the military money, it's somehow what to say. Man, I start a nation, why not trust today? At school I give you shit, drop your inner pain. Try get happy, can't be good, then fast your man. Then you're poor example, of hell I must obey. This is not the sample, if that's all you ever. Do I own, as a living. Cause I do, oh, as a living. Cause I do, oh, as a living. Cause I fucking know, that I'm ripping him off. Run a blow, just to cope with swift thing. All I put is blinding, now that I'm different. You left the best way, you left the same in cover. Left the same in day, do I own, as a living. Cause I do, oh, as a living. Cause I do, oh, as a living. Cause I fucking know. Living at his heart to me, I'm never gonna care. I got this, I want it, until it's in day. Give it a part of me, something like that. I got a family, and for this rock. Cause I do, oh, as a living. Cause I fucking know. Don't take any notice what the public think. So I say it's even, just don't wanna think. You try to talk it, give out to the boss. You don't wanna wear it, so you're full of fast. Do I, oh, as a living. Cause I do, oh, as a living. Cause I do, oh, as a living. Cause I fucking know. Oui. Putain, là vraiment c'est des classiques hein, pour finir cette émission là. Hein. Merci. Mais de rien. Merci Roquepied. Merci à vous de m'avoir invité ce soir, ça faisait grave plaisir. C'était Pyongyang City Rockers, on est déjà à la fin de l'émission, il nous reste 2h30, on a encore un petit truc à passer. C'est quoi? C'est Tu la Vierge. Ouais, oui. Je le lance. Ouais, si nous que bon. Ah ouais. Ne te trompe pas d'ennemi. Mon seul ennemi, c'est les képis. Bah ouais, voilà. Et, cabane, hein. Ouais, et puis bah du coup, ouais, on se dit au revoir la semaine prochaine pour la 391e. Et on n'oublie pas. C'est comme ça, c'est voulu. Ce qui nous que font, ne sois pas con. Ne te trompe pas les vies, ton seul ennemi, c'est la képi. Père ou melon, écoute nos chansons sont à voir. C'est comme ça, tous les soirs. Père ou melon, ne sois pas con. Ne te trompe pas les vies, ton seul ennemi. Radio Campus Lille, il est 21h.